3-4. Observation. Interrogation. 4 types of questions. Question. Est-ce que la jeune fille va être française? Réponse. Oui. Est-ce que la jeune fille va être américaine? Non. Qu'est-ce que nous allons inventer? Une histoire. Et qui est-ce qui va inventer une histoire? Nous. Pourquoi est-ce que nous allons inventer une histoire? Parce que ça va être utile. Pour apprendre le français. Note that the words est-ce que or qui are present in the 4 types of questions. The answer to est-ce que is oui or non. The answer to qu'est-ce que is usually the name of a thing. The answer to qui est-ce qui is usually a pronoun or the name of a person. The answer to pourquoi est-ce que usually starts with parce que or pour.